Les disparus de Bavourlan. Une fiction de Romain Weber et Laurence Courtois. Épisode 5. 500 milliards de kilos d'eau. En temps normal, le barrage de Bavourlan retient 500 millions de mètres cubes d'eau. 130 mètres de haut, 420 mètres de large, 600 000 mètres cubes de béton. Il faut un sacré mur pour résister à 500 milliards de kilos d'eau. Mais ces milliards de kilos n'étaient pas faits pour s'arrêter là. Grand-père. Prisonnière du barrage, l'eau n'a qu'un seul but, s'échapper. C'est quoi cette botte ? Regarde cette photo, Titouan. Tiens, prends-la. Tu vois là, au centre, avec sa blouse ? C'est ta grand-mère. C'est devant votre maison, en bas ? Oui. Et à côté d'elle ? C'est toi ? C'est moi. 1973. 24 ans. Et là, c'est mon père. Tu ne l'as pas connu, le pauvre. Avec ma mère, elles se sont installées à Bavourlan après la guerre en 46. Ils m'ont eu 3 ans plus tard. Et puis, c'est ici qu'on a voulu faire notre vie avec ta grand-mère. Elle venait d'Italie, elle. Elle avait fui sa famille. Elle voulait faire sa vie en France avec son diplôme d'infirmière. C'est à Lyon que je l'ai rencontrée. Quand je passais ma formation d'électricien. Et on est venu ici, elle et moi, parce qu'il y avait du travail avec le barrage. Je me sentais bien, moi, ici. Et autour, c'est qui ? Oh, tu les connais tous, presque. Revel, Kismar, Hervé, encore tout jeune. Et ça, c'est Madame Châtel ? Christine, ouais. On était bien copains. Toujours, hein, mais bon. C'est plus pareil. Et lui ? C'est Serge Ribaudier, le père du gros et du grand. Sans lui, on ne serait jamais venu ici. Ah bon ? Lui et mon père, ils ont fait la guerre ensemble. Et mon père lui a sauvé la vie pendant le débarquement de Provence. Alors, quand il a cherché où il pouvait s'installer en France, Serge lui a dit de venir à Bavourlan. Qu'il les aiderait, ma mère et lui. Qu'ils auraient une belle vie ici. Les compagnons d'armes, ça s'oublie pas. Il paraît. Alors ils sont venus. Et pour grand-mère, ça n'a pas été trop dur de s'installer ici ? Une Italienne dans le fin fond du Jura ? Tu sais, ta grand-mère, tout le monde l'adorait. Elle parlait pas très bien, mais qu'est-ce qu'elle était douce. On était peut-être une Italienne et un Arabe, mais moi, ils me connaissaient depuis tout petit. Puis j'étais électricien, je filais des coups de main. Et puis j'étais pas le dernier pour partager des canons. Et elle, infirmière, tu penses. Un mal de ventre, un bébé malade, ils appelaient Rita et tout allait mieux. Parfois c'était juste pour la voir, pour discuter un peu. Elle était facile à aimer. Elle est enceinte, là ? De ton père, ouais. C'était la vie qui commençait. Avant que tout ne s'arrête. Ta grand-mère s'est suicidée le 21 novembre 1974, après avoir reçu la lettre d'un corbeau. Un corbeau ? Quelqu'un qui a envoyé des lettres à tout le monde. Enfin, tout le monde, presque. C'était en bas, à Bavourlan, alors ? Oui. Ça a commencé 1 an avant le déménagement. Toi, t'en as reçu ? Oui. Ça disait quoi ? Des horreurs. Et après le déménagement ? Plus rien. Grand-père, pour que grand-mère se suicide, elle disait quoi la lettre qu'elle a reçue ? Je me souviens pas. Bien sûr que si, tu te souviens. Allez, finis le déballage. c'est important. Dis-toi, cette affaire, c'est du passé. Je veux pas que tu t'en occupes. Ni de la lettre de ta grand-mère, ni de ce qui se passe en ce moment. On n'en tirera rien de bon. Mais c'était qui le corbeau, on sait? Oui. C'était qui? Dis-moi. Dis-toi, tu ne t'en occupes pas. Tu es chez moi, tu oublies. Alors cette affaire, tu oublies. Je me suis bien fait comprendre. Et je ne veux plus voir Bérénice ici. Tu vaux mieux que cette fouineuse. Mais c'est mon ami. Et c'est ma maison. Maintenant, bonne nuit. Je m'appelle André Rose. Nous sommes le 21 août 2019. Je suis le curé d'un village qui retient tellement d'eau qu'il finira bien par céder. Bonjour mon père. Bonjour mon fils. Vous permettez que nous fassions quelques pas ensemble dans votre église? Bien sûr. Cinq ans que je ne suis pas entré dans une église. La dernière fois, c'était en 1974, et c'était à Vourlan, figurez-vous. Vous habitiez Vourlan? Oui, je m'appelle Ferdinand Broyard. André Rose. Alors, vous avez connu le père Fissou? Je l'ai connu, oui. L'avez-vous rencontré? Non, je l'ai remplacé après sa mort. Et c'est vous qui avez demandé à officier ici? Oui. Quelle idée bizarre. Une envie de campagne. Je me sens un peu chez moi ici. Ah oui. Tenez, puisque nous passons devant le confessionnal, nous pourrions nous y attarder quelques minutes. Après vous. Que faut-il dire déjà? Les péchés que vous avez sur le cœur, mon fils. Comme les 600 grammes de hachis que j'ai avalés hier soir. Par exemple. Je ne suis pas venu vous ennuyer. J'ai mieux que ça. Peu de gens connaissent la mort mieux que moi, parce que la mort, mon père, je l'ai donnée. De quoi parlez-vous? De la mort. Oui, bien entendu. Faut bien que quelqu'un se charge de la donner. Quand est-ce que ça s'est passé? Je ne saurais plus dire exactement, mais c'était à une époque où la pluie tombait encore dans le Jura, c'est certain. Ça s'est produit à 3 reprises. À 3 reprises? Oui. On me l'a demandé. Qui vous l'a demandé? La loi, bien sûr. Les juges. J'étais bourreau. Donner la mort était mon métier. C'était nécessaire. Et pourtant, ça me hante. Vous faisiez votre métier, mon fils. Ce n'est pas un péché. Et votre culpabilité vous honore. Je n'avais pas le choix. Mais j'ai des morts sur la conscience, mon père. Et ils ne s'en iront pas. Mais il y a une chose dont je peux me débarrasser. Et le confessionnal me paraît l'endroit pour prier. Après tout, c'est une belle invention pour nous soulager de ce qui nous pèse. Je vous laisse un document. Parce qu'il est temps de comprendre. Qui sait, vos yeux neufs y verront peut-être plus clair que les miens, que j'ai usé à trop chercher. Chercher quoi? À discerner le bien du mal. N'est-ce pas la mission d'un prêtre? Quel mal. Monsieur Broyard, quel mal. Un Broyard, le salopard. Tu en as pas assez de semer le mort. Tu as voulu tuer ta propre mère, crime odieux. Broyard est le roi des connards parmi les fils de chiens. Août 25 1973, Corbeau. T'es sûr qu'elle est à l'auberge de Rovel? Elle l'a écrit, sur la carte qu'elle a laissée. Dépêche, Bérénice. Je veux pas que mon grand-père nous voit. Mais n'importe quoi, tu laisses pas faire. Sauf que je suis chez lui. Tu crois que j'ai le choix? Et puis tu le connais pas vraiment. Hein. Mais il est un peu dictateur sur les bords, mon grand-père. Ouais, je sais. Déjà, l'été dernier, il voulait t'interdire de sortir. Mais bon, ça va, t'as plus 4 ans, là. C'est sûr que si t'étais pas là, mes vacances, ça serait un cauchemar. Bonjour, monsieur Revel. Qu'est-ce que vous voulez? On cherche un journaliste. Son nom, c'est Mélanie Birbaum. Oui. Chambre 14. T'es après la chambre 12. Il n'y a pas de chambre 13? Ben non, Dieu merci. Oui? Bonjour. Je suis Titou Majoubi. Vous êtes venu chez moi hier soir, voir mon grand-père. Ah, bonjour. Je suis désolée, je crois que j'ai été un peu brutale hier. Oui, enfin, ça m'a permis d'apprendre des choses. Venez, entrez. Je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder, je suis déjà sur le départ. Vous avez parlé de ma grand-mère hier. Je m'excuse, vraiment. Qu'est-ce que vous savez? Je suis ici pour l'affaire du corbeau de Vourlan. La personne qui a envoyé la lettre à la grand-mère de Titon? C'est une histoire très compliquée. Mon grand-père m'en a un peu parlé. Ça a à voir avec les squelettes dans le lac? Ou avec les Varodes? Bon, soit ces squelettes ne sont pas ceux des Varodes, et alors je n'ai pas d'explication sur leur disparition, soit c'est bien eux, et on ne peut pas comprendre si on ne connaît pas l'affaire du corbeau de Vourlan. Tenez. Regardez la copie de cet article. L'Est républicain, 14 novembre 1974. Une semaine avant la mort de ta grand-mère. Et 10 jours avant le déménagement. Ce qui nous intéresse, c'est cette brève-là. Un mystérieux corbeau sévit à Vourlan depuis plus d'un an. Depuis août de l'an dernier, les habitants de Vourlan reçoivent des lettres anonymes. Déposées dans la rue, à l'église ou sur les rebords des fenêtres, ces lettres écrites en capitale accusent et calomnient les habitants. On compte 204 lettres déclarées, mais la gendarmerie ne veut pas s'exprimer sur cette affaire. La gendarmerie, c'était Jacques Revel, et il n'est pas beaucoup plus bavard aujourd'hui. C'était qui? On sait? Officiellement, non. L'enquête a été classée sans suite, avec la disparition des Varodes. Et officieusement? C'était Jane Varode, la principale suspecte. Comment ça se fait? Regardez dans cet article-là. C'est une des lettres. À Dominique Mermot, l'empoisonneur. Mermot, de la boulangerie Mermot. Ton pain est immonde. Les rats seuls peuvent manger ça. Je t'ai vu verser arsenic dans ton farine puante. Est-ce que c'est pour te venger de ta femme, la truie, sur qui tout Vourlan passe? Octobre 4, 1974. Corbeau. Dis-toi, dans le grenier de ton grand-père? Ouais, il y a une lettre pareille. C'est un malade le type qui a écrit ça. C'est le corbeau de Vourlan. Bah, il sait pas parler français surtout. Je t'ai vu verser arsenic dans ton farine puante, c'est écrit n'importe comment. Et la date? Octobre 4. C'est à l'anglo-saxonne. Et alors? Et alors, Jane Varode, elle était américaine. C'est pour ça que la gendarmerie a pensé que c'était elle. Et les lettres se sont arrêtées après le déménagement. Donc, au moment où les Varodes ont disparu. Et regardez ce que le journaliste écrit après. Dans les ruelles de Vourlan, la rumeur court. Tous les habitants auraient reçu au moins une lettre, tous sauf une personne, une femme récemment arrivée dans le village d'origine américaine. Voilà de quoi alimenter des soupçons. Jane Varode. Ça commence à faire beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont fini au fond du lac. 11h. Je suis désolée, il faut absolument que je m'en aille. On s'en va. Vous avez ma carte, appelez-moi. Oui, je vous bip. Au revoir. Au revoir. Titon et Bérénice. Les amants impossibles, quel heureux hasard. Monsieur Broyard. Je ne vous retiens pas, jeunes gens. Mais je me demandais si vous connaissiez bien le père Rose. Pourquoi? Vous ne perdrez rien à aller lui parler. J'ai l'impression qu'il est comme vous. Un des rares de ce village à se poser les bonnes questions. Il sait des trucs, lui? Je ne veux pas abuser de votre temps. Passez une merveilleuse journée. Baptiste, je viens d'avoir la gendarmerie. L'ADN correspond à personne. En revanche, ils sont catégoriques. D'abord, c'est bien un homme et une femme, et ensuite, ils sont morts il y a plus de 40 ans. Donc, bonne nouvelle, il n'y aura pas d'enquête. Autre chose, ils n'ont plus besoin des corps. Et comme on ne sait pas qui c'est, il faut les enterrer dans la commune où on les a trouvés. Ça fait 2 trous de plus dans ton cimetière, Et tu sais ce que ça veut dire? Il y a officiellement plus de morts que de vivants à Ouvourlan. À suivre.